Dis-moi ton nom, et la première fois que je frapperai le taureau, je te l'offrirai. Carmen ou la Carmencita, comme tu voudras. Eh bien, Carmencita, si je m'avisais de t'aimer et d'être aimé de toi, qu'est-ce que tu répondrais? Je répondrais que pour le moment, il n'y faut pas songer. J'attendrai alors. Je me contenterai d'espérer. Il n'est pas défendu d'attendre. Il est toujours doux d'espérer.